En d'autres temps, ces programmes indigents auraient sombré dans le ridicule. Mais aujourd'hui, leurs auteurs sont excusés. Nous sommes vaccinés contre les projets d'une société sans classe et sans État. Assène un philosophe qui n'a nul besoin d'épiloguer sur la déliquescence des pays de l'Est pour se faire comprendre. Point d'argumentation car la cause est entendue. Pourtant, un observateur un tant soit peu lucide, nourri des expériences sociales d'Occident comme d'Orient, devrait logiquement se juger plutôt vacciné contre la cruelle réalité des classes sociales et de leurs inégalités, de l'État et de son monopole de la violence physique légitime, du capital et de l'assujettissement des hommes et de la nature à son accumulation indéfinie. Mais après 80 années de manipulation langagière, de tours de passe-passe terminologiques, de redistribution des signes et de distorsion du langage, opérés conjointement par les marxistes-léninistes, les sociodémocrates, les penseurs bourgeois, pour une fois tacitement d'accord, les repères idéologiques sont brouillés au point que les évidences unanimement admises défient le bon sens. Ainsi, le communisme, vécu par ses premiers propagandistes ouvriers anonymes, comme promesse de libération, est-il devenu synonyme de totalitarisme sans que le commun des mortels ne soit troublé par l'incongruité de ce retournement sémantique ? I met her in a honky-tonk one weekend night. We danced and we talked until it was light. We fell for each other, well, right from the start. It seemed that nothing could keep us apart. Trouble S'aviserait de présenter l'inquisition de Torquemada et consorts comme la réalisation des espérances de fraternité universelle nourries par les premiers chrétiens. Mais écrivait déjà Babeuf, tel est le dictionnaire des palais, des châteaux, des hôtels, que les mêmes expressions offrent toujours l'inverse de signification qu'on leur reconnaissait dans les cabanes. Sitting round the fire, burning grass and chanting to himself. The only sound you heard was someone talking, and the sound of the fire making love. Deep inside their soul, the spirit's listening, keeping them in line with nature's own. Up above, the silver bow is gleaming, giving light to guide us through the night. Ah, but now we have an ugly spirit, though, and he walks around in a good disguise. And he comes in the color of our people, you can always see it in. Kind. Always wonder if they do mind, killing their mind, killing their kind. have died for the cause. The precious smoke is blown in four directions. Red crow throws tobacco on the fire. I had a vision that just don't have a meaning. Maybe I'm just blinded by today. I've seen some people laughing at the other just because they were living their native way. That's why I say now we have an ugly spirit, and he walks around in a good disguise. He also comes in the color of our people. Oh yes he does. You can always see it in their eyes. Killing their man, killing their kind. Always wonder if they do mind. Killing their man, killing their kind. Always wonder if they do mind. Killing their man, killing their kind. Always wonder if they do mind. Killing their man, killing their kind. Always wonder if they do mind. Buried the snake, bowed to each other, peace to make. The earth supplies and nature feeds, but we turn and quake for artificial needs. Come down to earth and stay a while. Sit there and smile. I'm a brown-skinned man, that's what I am. Got a guitar and a drum, that's where I come from. Spirit of the sun, spirit of the sea, worthy of the shadow. Shine down on me. Son of the sun, son of the earth, soul of life, children of the world, brothers of nature, brothers of old. Brothers of legend and the story untold. Daughters of starlight, daughters of earth, sisters of sunlight, sisters of birth. I had a dream a mile ago. If they drew rest with gun and a sword, they buried the snake, bowed to each other, peace you make. Oh, son of the sun. Ceux qui méconnaissent le poids idéologique des mots ne peuvent soupçonner que le vide abyssal du débat d'idées et la consternante médiocrité des projets sociaux procèdent pour l'essentiel d'une colossale mystification digne de Big Brother. Poser le totalitarisme soviétique comme socialisme ou communisme réel et en déduire que la chute du mur de Berlin marque l'effondrement de tout espoir en l'avènement d'une société d'hommes véritablement libres et égaux. Même si certains, comme Castoriadis ou Lefort, parmi les premiers contempteurs des régimes lénino-staliniens, ont fini par succomber au conformisme linguistique et se sont mis à amalgamer ce que, autrefois, ils distinguaient radicalement, le capitalisme d'État, la dictature d'une classe bureaucratique d'une part, le communisme d'autre part. À cette époque-là, et contrairement aux compagnons de route qui voulaient éviter de plonger billes en cours dans le désespoir, ils estimaient nécessaire de dessiller les ouvriers sur la véritable nature des pays de l'Est, afin qu'ils cessent d'être les instruments de partis totalitaires pour redevenir les véritables acteurs de leur émancipation. When the sun shines, the birds sing as she walks along the shores, James Bay. Flies high in the sky over the horizon. James Bay. Well, I've got my music, so I don't have you anymore. Oh, no. Well, I've got my music now more than ever before. So I'll get you on, I think it ought to make you through. Dernières décennies ont vu l'intérêt du public pour les artistes de la fin baisser considérablement. Alors qu'autrefois cela valait la peine d'organiser de grandes représentations dans une mise en scène personnelle, c'est devenu aujourd'hui tout à fait impossible. C'était d'autres temps. Jadis, toute la ville était occupée par l'artiste de la fin. L'intérêt allait croissant de jour de fin en jour de fin. Chacun voulait voir l'artiste de la fin au moins une fois par jour. Les derniers jours, il y avait des abonnés qui restaient assis toute la journée devant la petite grillagé. La nuit aussi, il y avait des visites au flambeau pour augmenter l'effet. Les beaux jours, on sortait la cage à l'air libre et c'était spécialement aux enfants qu'on montrait l'artiste de la fin. Alors que pour les adultes, ce n'était souvent qu'un amusement auquel ils participaient parce que c'était à la mode. Les enfants, étonnés, bouche bée, se tenant par la main pour se sentir en sécurité, regardaient l'artiste de la fin. Il était pâle, portait un tricot noir d'où ses côtes ressortaient très nettement, ne voulait même pas du fauteuil qu'on lui avait mis, préférant rester assis sur de la paille dispersée par terre, faisait un signe poli de la tête, répondait aux questions avec un sourire forcé, tendait aussi le bras à travers la grille pour qu'on puisse toucher sa maigreur, puis il replongeait complètement en lui-même, ne s'occupait plus de personne, même pas de l'heure qui sonnait, si importante pour lui, à la pendule qui était le seul meuble de la cage, regardait devant lui les yeux presque fermés en trempant les lèvres de temps en temps dans un minuscule verre d'eau pour se les humecter. Well, I found $50 in my pocket. Myself, what can I do? So I went down to and bought me a guitar. I played my guitar every day. Sigh was shrunk. I dreamt I was in a rock group playing on a Saturday night. Our name wasn't like the Beatles, but I found an old Indian name. Sigh was shrunk. Saturday night. They say everything can be replaced, yet every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. I see my light come shine. Les spectateurs qui changeaient sans cesse, il y avait en permanence des gardiens choisis par le public, bizarrement des bouchers en général qui, toujours par groupe de trois, avaient pour tâche de surveiller jour et nuit l'artiste de la faim afin qu'il n'aille pas manger en cachette. Mais c'était une simple formalité qu'on avait introduite pour rassurer la foule, car les initiés savaient bien que pendant la période de la faim, l'artiste de la faim n'aurait jamais rien mangé, quoi qu'il arrive, même pas sous la contrainte, même la plus petite chose. L'honneur de son art le lui interdisait. Évidemment, ce n'étaient pas tous les gardiens qui pouvaient comprendre cela. Il y avait parfois des équipes de nuit qui surveillaient de manière très souple. Elles se mettaient exprès dans un coin retiré et se plongeaient dans une partie de cartes afin visiblement de lui accorder le petit réconfort qui serait, d'après eux, d'aller puiser dans quelques réserves secrètes. Full of Rien ne le tourmentait plus que ses gardiens. Il lui troublait l'âme. Il lui rendait la fin terriblement difficile. Parfois, il surmontait sa faiblesse et chantait pendant qu'on le surveillait. Il chantait aussi longtemps qu'il le pouvait pour montrer aux gens qu'il le soupçonnait de manière injuste. Mais cela ne servait pas à grand-chose. Les gardiens s'étonnaient alors de l'habileté avec laquelle il arrivait à manger tout en chantant. Il préférait de beaucoup les gardiens qui s'asseyaient tout près du grillage et qui, parce qu'ils ne se contentaient pas du faible éclairage nocturne, l'éclairaient avec des lampes de poche que l'impresario mettait à leur disposition. La lumière éblouissante ne le gênait pas du tout. De toute façon, il ne pouvait pas dormir, mais il pouvait toujours somnoler, sous n'importe quel éclairage à n'importe quelle heure, même dans une salle bondée et bruyante. Avec de tels gardiens, il était tout à fait prêt à passer toute la nuit sans dormir, il était prêt à plaisanter avec eux, à leur raconter des histoires de sa vie errante, puis à écouter leurs propres histoires, rien que pour les tenir éveillés, et pouvoir ainsi leur montrer qu'ils n'avaient rien à manger dans sa cage et qu'ils s'affamaient comme aucun d'entre eux n'aurait su le faire. Thank you. enjoyed your little journey. Repeated listenings of this record have been known to produce a sensation of being watched from close behind. Closer, closer. And when you turn around, you find that lurking behind you is absolutely nothing. Mais le moment où il était le plus heureux, c'était quand on importait à ses frais un petit déjeuner fort copieux, sur lequel les gardiens se jetaient avec l'appétit d'hommes en pleine santé, qui viennent de passer une épuisante nuit blanche. Il y avait des gens qui voulaient voir dans ce petit déjeuner une volonté malséante d'influencer les gardiens, mais c'était aller trop loin, et quand on leur demandait s'ils voulaient se charger de la garde de nuit de manière désintéressée et sans petit déjeuner, ils se dérobaient, sans renoncer toutefois à leurs soupçons. Ceci faisait d'ailleurs partie des soupçons inévitables auxquels n'échappait jamais l'art de la faim. Thank you. personne n'était capable de passer toutes ses journées et ses nuits à surveiller l'artiste de la faim. Personne ne pouvait donc savoir par sa propre observation s'il s'était vraiment affamé sans interruption et de manière parfaite. Seul l'artiste de la faim pouvait le savoir, lui seul par conséquent pouvait être à la fois le spectateur parfaitement satisfait de sa propre faim. C'est pour une autre raison d'ailleurs que lui n'était jamais satisfait, peut-être n'était-ce pas du tout l'art de la faim qui l'avait fait tant maigrir, au point que certains, à leur grand regret, devaient rester à l'écart des représentations parce qu'ils ne supportaient pas de les voir, mais uniquement cette insatisfaction envers lui-même. Lui seul en effet savait, même les initiés l'ignoraient, combien il était facile de s'affamer. C'était la chose la plus facile au monde. Il ne le taisait d'ailleurs pas, mais on ne le croyait pas. Et dans le meilleur des cas, on pensait qu'il était modeste, le plus souvent qu'il cherchait à faire parler de lui, ou bien même qu'il était un bonimenteur pour lequel l'art de la faim était facile simplement parce qu'il savait le rendre facile et qui avait en plus le front de l'avouer à moitié. Ready?